Alors, voici votre aperçu rapide sur la nouvelle collaboration entre OpenAI et Broadcom. Bon, on parle d'OpenAI, vous savez, les créateurs de ChatGPT et Sora, qui font équipe avec Broadcom, un géant des puces et des réseaux. Leur but, eh bien, c'est de construire une infrastructure d'IA de nouvelle génération, mais à une échelle vraiment énorme. Il faut bien répondre à la demande mondiale qui explose pour l'IA, hein. C'est un investissement assez fou. L'échelle et l'objectif sont juste gigantesques. Imaginez 10 gigawatts d'accélérateurs d'IA. C'est une puissance de calcul phénoménale. Et le truc, c'est qu'ils sont conçus par OpenAI pour leurs besoins spécifiques. Broadcom va aider à les fabriquer et à les intégrer avec leur propre technologie. Tout ça devrait être prêt entre fin 2026 et fin 2029. L'idée, c'est de créer des puces sur mesure pour être plus efficaces. OpenAI veut que le matériel colle parfaitement à ce qu'ils apprennent en développant leur modèle comme GPT. L'objectif, c'est d'optimiser tout ça pour leurs tâches, surtout pour faire tourner les modèles au quotidien, ce qu'on appelle l'inférence. Ça devrait rendre l'IA plus rapide, moins chère et plus économe en énergie. Apparemment, ils utilisent même leurs IA pour aider à concevoir ces puces. Ça leur donne un contrôle énorme. Il ne s'agit pas juste de puces isolées, hein. Non, on parle de systèmes complets prêts à l'emploi, dans des racks. Broadcom apporte aussi tout son savoir-faire en réseau pour que ces énormes grappes d'IA fonctionnent bien ensemble. C'est cette approche complète, de la puce jusqu'à l'application type ChatGPT, qui est vue comme la clé pour passer à la vitesse supérieure en IA et, à terme, la rendre vraiment accessible partout. En bref, OpenAI et Broadcom s'allient pour construire sur mesure l'énorme puissance de calcul qui fera tourner l'IA de demain.